première ligne. Je serai digne comme tous mes potes, même si la vie m'escorte. Même si je sais que je vais finir broyé comme un raisin dans la vigne. Je supporte mon poids et mes idéaux comme sur un ring. J'aligne en ligne les têtes de ceux qui veulent la mienne. J'évite les têtes de ceux qui veulent la haine. Pour pas finir bloqué dans les blocs HLM. La conduite que doivent prendre des choses doivent nous solidifier. Pour pas qu'on ait la tête d'une meuf qu'elle convoite. On convoite les places que d'autres ont pu avoir comme un fourgon du Prince. Ou une place dans une voiture pour entrer Trunks. Après la soirée où y'a plus aucune meuf dans les barrages. Que mes enfoirés aient la même rage. Qui nous gagne tous à terre tous. On se referme sur nous comme une porte qui se ferme. Ferme comme une peine que prend un pote. Que prend un pote, que prend un pote. Au bout du compte faut que tous s'aperçoivent qu'on nous encule sans capote. Issu d'un milieu où pour voir les gens nets, faut les voir sortir du lit. Pas d'enquise délit, que des délits. Pas de mec honnête mais beaucoup de dalleux qui pourraient être mutilés pour une savonnette. Les gens t'es pas en haut pour une barrette. Il faut que tu saches qu'ici on dit c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. N'oublie pas, ici c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. Faut que les vrais de mon entourage sachent que si la fonce t'est m'emporter, quelquefois et quel que soit les faits que j'ai fait à bout portant certains et que je n'ai pu me comporter. Autrement donc ceux qui se comportent mal à mon égard. Et je fus téméraire dans cette atmosphère où plane des ragots en masse sur ta tête qui pompent l'air. Je veux qu'on m'accepte comme je suis, que les gens s'occupent de leurs problèmes. Qu'on mette à plâme, que je monte à dame. Qu'un mois plus tard, j'ai sans délit, mais en boulème. Je rappe cru, parle ces fils de l'âge avec des membres du spécis pro. Car dans le texte, on est gros, les escrocs qu'on est gros et nous mettent en cru. Et que ceux qui veulent notre noyade ne savent pas ce qu'ils créent. Et s'ils croient que dans ce taf, il n'y a rien de concret. Continue de critiquer, chatter. Nos frères on amassera et le coup de masse sera lourd pour toucher chez qui il passera et assommera. Il faut que tu saches qu'ici on dit c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. N'oublie pas, ici c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. Hardcore, réaliste, co-scénariste, pessimiste. Malice persiste comme Stallone dans Fils, j'insiste. Co-art, étrange ninja, les doigts, les lèvres sur des spliffs de ganja. Associés, dissociés des fausses associations de malfrats improvisés. C'est insupportable, incontournable. Parfois pour moi l'envie de te dire qu'as-tu à m'envier. Pour trop pas d'écu, ni sécu. C'est avoir du cul que de pouvoir parler de son vécu. Mal perçu, voici mon rendu. Original, original, Lascar Selecta. Ma voix sur instru, c'est les Selecta. Merde, des mômes disparaissent toujours, gars. Dans des conditions étranges, frère, sur cet hémisphère. Entre amis, obturer la vie, obturer les nuits, obturer l'ennui. Ornaire imprévu à l'horizon, vision d'averti. Salut les gars, je me retrouve dans ce que j'aime. Pour ceux qui m'aiment, effort perso sur ces quelques BPM. Pour les frères emprisonnés et pour ceux dehors dans le malheur emprisonnés. Faut que tu saches qu'ici on dit c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. N'oublie pas, ici c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. Il faut que tu saches qu'ici on dit c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton. N'oublie pas, ici c'est pas ton. Et si les rats quittent le bateau, les rares n'ont pas quitté le béton.